Haute fréquence. Carole Pirker, bonsoir. Bonsoir Fabien. Alors Carole, vous nous emmenez ce soir à la rencontre des initiateurs d'un projet de mosquée qui incarne en France un islam réformateur. Oui, il s'agit de Kaina Baloul et de Fakir Korshan que j'ai rencontrés à la bibliothèque de l'Institut du Monde Arabe à Paris. Et alors qui sont ces deux personnes ? Eh bien Kaina Baloul est islamologue et première femme imam de France. Elle est née à Paris d'un père algérien et d'une mère française. Elle a surtout passé toute son enfance en Algérie, dont elle revendique la spiritualité musulmane, une spiritualité ouverte aux autres et en opposition à l'image fermée et violente de l'islam que donnent les salafistes et leur lecture littérale des textes fondateurs. Et alors, l'autre initiateur de ce projet, lui aussi, semble défendre un renouvellement de la pratique musulmane. C'est le cas puisque Fakir Korshan, qui est professeur de philosophie, a fondé l'association pour la renaissance de l'islam mutazilite, une école de théologie musulmane qui rejette, elle aussi, tout dogmatisme. Et donc, ils ont mis en commun leur vision de l'islam pour réaliser ce projet de mosquée. En effet, puisque cette mosquée, qui constituerait une première en France, entend rassembler dans la même salle les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, côte à côte et égaux donc, cette mosquée entend aussi mettre en valeur le rôle religieux de la femme musulmane avec la prière dirigée en alternance par une femme et un homme. Et quel sens alors donne-t-il à ce projet ? Eh bien, c'est la question que j'ai posée à Kaina Baloul. On signifie à travers ce projet une réappropriation de notre religion dont nous avons été dépossédés par des mouvements fondamentalistes qui ont tout fait pour dévoyer ou lire sous un prisme qui reste très patriarcal des textes fondateurs dans le Coran. Et donc nous souhaitons, nous, donc les jeunes Français musulmans, pouvoir relire et interpréter les textes religieux d'une autre manière et puis pouvoir vivre notre religion d'une autre manière par rapport à ce qui se pratique aujourd'hui dans les mosquées. Alors vous avez baptisé ce projet Fatima, pourquoi ? Alors Fatima, c'est le prénom de la fille du prophète et symboliquement aussi c'est important de mettre en valeur les femmes musulmanes et de rappeler aux musulmans que dans l'islam il y a eu de grandes femmes qui ont beaucoup apporté à l'islam et que aujourd'hui nous, leurs cadettes, nous avons beaucoup à apprendre d'elles et nous devons renouveler justement cette tradition de femmes savantes, de femmes qui jouent un rôle social et culturel et cultuel même dans la religion musulmane. Est-ce que la mixité, au fond, dans les mosquées, est un interdit coranique ? Non, pas du tout. Alors, que ce soit pour la question de la mixité dans la salle de prière ou pour la question de l'imamat de la femme, il faut savoir que le Coran n'en parle pas. Le Coran ne parle pas du tout de la question de l'imamat, en ce qui concerne les imams hommes ou femmes. Donc, à partir de là, étant donné que le Coran n'interdit pas cette mixité, il faut considérer que le Coran laisse assez de latitude pour qu'on puisse l'interpréter et l'adapter à notre époque. Et pour l'adapter à notre époque, c'est sur le courant soufi de l'islam que Kaina Baloul s'appuie pour développer ce projet de mosquée. Personnellement, je m'appuie beaucoup sur la mystique musulmane et plus particulièrement la lecture soufie et plus précisément la pensée d'Ibn Arabi qui est un des plus grands penseurs de la philosophie soufie au 12e, fin 12e, début 13e siècle. Quand on lit le passage où il parle de la femme en tant qu'imam, il dit qu'elle peut guider la prière devant un public d'hommes et de femmes. Donc pour son époque, donc vous imaginez le 12e, fin 12e, début 13e siècle, c'était incroyable de se dire qu'aujourd'hui, la majorité des musulmans n'y croiraient même pas, tellement pour certains ça paraît impossible, alors que ça a été produit à cette époque-là. C'est une direction qu'on souhaite suivre et faire redécouvrir aussi, parce que toutes ces lectures-là, ces interprétations-là des textes fondateurs, aujourd'hui, elles sont complètement mises à l'écart, et l'objectif c'est de les faire redécouvrir au plus grand public. Une lecture féminine du Coran, en somme ? Féminine aussi, parce que je suis pour un féminisme complémentaire du masculin. Je ne suis pas dans un féminisme qui exclut le masculin, parce que je pense que l'équilibre de la vie est bâti sur cette complémentarité entre le masculin et le féminin. Et je pense qu'il est primordial aujourd'hui de rétablir cet équilibre et de reconstruire ce lien à l'intérieur de la communauté musulmane. Ce projet, vous le développez avec un homme qui est à nos côtés. Il s'agit de Fakir Korshan. Alors, Fakir Korchan, vous êtes ancien journaliste, vous êtes professeur de philosophie, vous êtes fondateur de l'Association pour la renaissance de l'islam Moutazilite, une école de théologie musulmane qui rejette tout dogmatisme. Pourquoi vous, en tant qu'homme, vous êtes entré dans ce projet ? Moi, j'étais déjà dans un projet, de mon côté. Et puis, en fait, avec Aïna, on s'est aperçu qu'on était dans une même démarche. Et du coup, on a associé les deux volontés pour faire un seul projet. La France est quand même le pays qui compte, au plan européen, le plus de musulmans. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas de femmes imams ? Je pense que, d'un côté, c'est peut-être lié au fait que l'islam en France est très conservateur, très orienté aussi salafisme et frères musulmans. Donc, dans ce contexte, c'est vrai que ce n'est pas facile de voir émerger des initiatives comme les nôtres. Il fallait peut-être le temps que ça mûrisse et que ça voie le jour. Il ne faut pas aussi oublier le contexte dans lequel on se trouve. Les attentats qu'il y a eu à Londres, à Madrid, et puis ne parlons pas de Mera. Et puis après Mera, 2015, Charlie, l'hypercachère, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu une remise en question de l'islam. Et du coup, il y a beaucoup de musulmans qui mettent leur islamité en avant comme étant l'élément fondamental de leur identité parce qu'ils la sentent remise en question. Et c'est vrai que quand nous on arrive et qu'on dit il faut revoir notre manière de comprendre l'islam, beaucoup de gens ne sont même pas dans une disposition à écouter ça parce que le contexte est hostile et en tout cas il est considéré comme hostile. Donc on a du mal à faire d'introspection dans un moment dans lequel on nous demande en fait d'être solidaire et de rentrer dans le rang parce qu'on est un peu attaqué de l'extérieur. C'est ça qui est très dur en fait. Un contexte qui explique les attaques publiées sur les réseaux sociaux et la page Facebook du projet. Et parmi ces critiques, le reproche de provoquer la fitna, un terme arabe qui renvoie à la division entre musulmans, une attaque qui n'émeut pas Fakir Korchan. C'est tellement récurrent, c'est dès que quelqu'un sort des clous, on lui jette la fitna à la figure. Il s'agit de repenser la religion en des termes du 21e siècle. Et quand on vous empêche de faire ça en vous disant « fitna », voilà. Vous êtes au fond au milieu d'un feu croisé entre des tensions à l'intérieur des différents courants de l'islam, mais aussi à l'extérieur. Effectivement, il y a eu beaucoup de réactions sur la page Facebook. En gros, on serait l'émanation de la volonté de l'État, on serait une sorte de l'islam laïque. Donc en fait, pour un certain nombre de musulmans, on est une nouvelle réaction pour détruire l'islam de l'intérieur. Et puis sinon, pour des non-musulmans, on est de toute manière des musulmans. Comprenez, de toute manière, des islamistes, quoi. C'est juste qu'on va faire rentrer le vice de l'islam, si vous voulez, d'une autre manière, différente de celle des salafistes, par exemple, mais au fond, on est pareil. Donc, vous avez ce double feu, comme vous dites, feu croisé, mais après, on fait ce qu'on a à faire. Kaïna Bahloul, il y a quand même eu la remise en cause de votre légitimité pour donner la prière au niveau des compétences. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre ? Moi, je considère que j'ai tout à fait la légitimité pour être imam. Alors, c'est vrai que le fait d'être femme dérange beaucoup de personnes. Mais bon, on vit au 21e siècle. Et la question du genre, à mon avis, elle est dépassée dans plusieurs domaines. Pourquoi elle ne le serait pas dans le domaine religieux ? En ce qui concerne ma formation, je prépare un doctorat en islamologie à l'École pratique des hautes études. Et j'estime que mon niveau d'étude dépasse de loin certains imams qui officient aujourd'hui dans les mosquées en France ou ailleurs. Il y a des mosquées progressistes qui existent, que ce soit aux États-Unis, en Allemagne ou Danemark. En Allemagne, justement, il y a une femme imam qui vit sous la protection de la police. Ça vous fait pas peur, ça ? Non. Sincèrement, je n'ai pas peur et ma foi m'aide beaucoup par rapport à ça. Alors, ça ne veut pas dire que je suis imprudent. Je prends quand même un minimum de précautions. Je ne dis pas toujours où je suis. Enfin, en tout cas, pas sur les réseaux sociaux. Mais j'ai pas peur plus que ça parce que j'ai foi en Dieu. J'ai foi que si quelque chose doit se faire, ça se fera. À partir de là, bon, voilà, moi j'avance et puis voilà. Kaïna Bahloul ne se laisse pas intimider. Elle continue à s'occuper de l'association et de la chaîne YouTube qu'elle a créée en 2015 à la suite des attentats du 13 novembre de la même année qui avaient fait 130 morts et plus de 400 blessés. Des attentats revendiqués par l'organisation terroriste État islamique et qui ont renforcé l'amalgame entre islam et terrorisme. Les attentats de 2015, c'était un vrai cauchemar pour moi parce que j'ai connu malheureusement ce terrorisme. Je l'avais connu déjà en Algérie et j'avais le sentiment que d'un seul coup ça refaisait surface et que ça se propageait dans beaucoup plus de pays à une échelle mondiale. Et là, je me suis dit, en tant que musulmane, on ne peut pas laisser faire ça. L'objectif, c'était aussi de donner notre compréhension de l'islam aux non-musulmans. Et moi-même, ça m'a poussée encore à approfondir aussi ma compréhension et surtout à chercher du côté spirituel. Que propose cette émission « Parle-moi d'islam » que vous diffusez sur YouTube ? Des petites vidéos qui partent des versets coraniques sur des figures féminines dans le Coran. J'ai parlé par exemple de la figure de Marie, comment le Coran décrit et parle de l'histoire de Marie. Moi je trouve ça extraordinaire que Marie, en tant que femme, soit classée dans les sourates, dans les chapitres du Coran, qui s'appellent les prophètes. C'est-à-dire que Marie est élevée au rang des prophètes dans l'islam. Il s'agit d'une réhabilitation de la femme, mais pas que. Il y a vraiment plusieurs autres sujets, comme le sujet de la miséricorde, de la paix, de la fraternité, de la relation à Dieu, de l'éthique, du musulman, du lien à l'autre quel qu'il soit d'ailleurs. Reste que le projet de mosquée Fatima, qui vise comme sa chaîne YouTube à favoriser un islam progressiste, s'est heurté au silence des instances officielles. À l'instar de la Fondation de l'Islam de France, une fondation d'État que j'ai sollicitée pour une réaction et qui n'a pas souhaité s'exprimer. Jusque-là, il n'y a pas de réaction officielle de la part des instances religieuses en France. Ce n'est pas vraiment une surprise pour nous. On sait que dans la tradition musulmane, l'imamat de la femme n'a jamais été encouragé, notamment ces dernières années, j'ai envie de dire, parce que dans l'histoire de l'islam, il y en a quand même eu hein, des femmes imams, sauf qu'on a tout fait pour occulter ça. Même s'il y a eu certains théologiens comme Tariq Obrou, par exemple, qui a parlé de la validité de l'imamat de la femme, par exemple, mais on sent que dès qu'on passe aux choses concrètes, en fait, il n'y a plus personne pour s'exprimer en public et pour soutenir et prendre position. Au niveau de ce projet, est-ce que vous avez une communauté qui vous soutient ? Il y a un certain nombre de personnes qui nous soutiennent. Après, vu les réactions qu'on a eues sur Internet, on se rend compte qu'il y a une vraie demande, qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente d'un lieu de culte qui aille dans ce sens-là. Je sais que vous cherchez du financement. Où est-ce qu'on en est ? En attente de trouver un lieu. Mais après, le problème aussi, c'est qu'il faut qu'on arrive à fonder une association. Or, pour pouvoir fonder une association, loi 1905, c'est-à-dire cultuelle, il faut avoir un lieu. C'est le serpent qui se mord la queue. Tout à fait. Il faudra qu'on arrive à trouver une solution pour sortir de cet imbroglio. Mais pour l'instant, on est encore dedans. D'autres femmes souhaitent devenir imam également en France. Vous avez des contacts ? Comment ça se passe ? Ce sont des personnes qu'on connaît. On évolue tous un peu dans le même milieu associatif parisien. Après, je ne sais pas si on peut parler vraiment de communauté aujourd'hui, mais en tout cas, on se pose tous les mêmes questions, on a tous les mêmes problématiques et on a envie de construire et de réfléchir à une nouvelle façon de vivre l'islam. Alors justement, c'est quoi cette autre façon de vivre l'islam ? C'est une façon de vivre l'islam qui soit en accord, en phase avec l'époque et la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire un islam qui donne toute sa place à la femme. La République française reconnaît l'égalité homme-femme. Donc nous souhaitons que l'islam soit aussi interprété à la lumière de ces valeurs. C'est une lecture qui est tout à fait possible, hein, contrairement à ce que on entend souvent. Et puis, c'est aussi un islam, qui prend en compte toutes les avancées de la recherche scientifique moderne. C'est cette relecture contemporaine et libérale de l'islam. Vous écoutiez à l'instant Kaina Bahloul et Fakhr Korshan qui souhaitent développer, avec leur projet de mosquée Fatima à Paris, une vision contemporaine de l'islam et libérale de l'islam, Carole Pirker. Oui, elle s'inspire pour ce projet de pionnière comme Sherin Kankan, la première femme imam du Danemark, qui a fondé à Copenhague une mosquée réservée aux femmes. Il s'inspire aussi d'Amina Wadoud, qui a été la première femme à diriger la prière devant une assemblée mixte. C'était à New York en mars 2005. Et Carole, on est frappé quand on entend Kaïna Balul et Fakhar Korshan s'exprimer par la présence des références historiques très précises. On parlait de soufisme, de moutazilite. Pourquoi est-ce que c'est tellement présent dans leur discours? Est-ce que c'est pas finalement plus simple de dire on veut que des femmes soient imams? Eh bien, s'ils s'expriment et reviennent souvent sur ces références historiques, soufis et moutazilites, c'est parce que ces courants démontrent qu'il existe un islam ouvert et progressiste qui existait bien avant que les courants plus rigoristes prennent le dessus. Des courants qui accordent à la femme un statut religieux au même titre que l'homme. Kaïna Balul et Fakhar Korshan souhaitent donc les faire connaître aux musulmans. C'est aussi peut-être une façon de légitimer la vision libérale qu'ils souhaitent prendre en s'appuyant sur ces sources. Mais est-ce qu'il y a un débat au sein de la communauté musulmane sur ces références précisément qu'ils cite, l'histoire du soufisme, du moutazilisme, on imagine que c'est assez complexe. Et que disent ces courants de l'imama au féminin? Eh bien, le moutazilisme n'accorde en fait pas à la femme le droit d'être imam, mais Fakhar Korshan fait référence au droit à l'interprétation des textes au regard des circonstances contemporaines où l'égalité entre hommes et femmes est réalisée et affirmée. Mais cela reste, religieusement parlant, une argumentation fragile. Pour ce qui est du soufisme, maintenant, le grand penseur soufi du XIIe siècle, Ibn Arabi, accepte l'imamat des femmes et leur accorde le droit de diriger la prière des hommes et des femmes. Sur sol européen, plus largement, à quelle fonction les femmes ont accès au niveau spirituel aujourd'hui, que ce soit dans ou hors des mosquées? Alors, elles peuvent notamment participer au cercle décisionnel relatif à l'interprétation des textes, ce qu'on appelle les conseils des oulémas. Elles peuvent aussi enseigner. Pour revenir à Kaïna Balul, Carole, elle a parlé de Tarek Oubrou, qui, lui, semble soutenir l'idée de l'imama pour la femme, mais qui ne soutient pas concrètement son projet. Absolument, Tarek Oubrou est l'imam de Bordeaux. Alors, il a publiquement affirmé que l'imama féminin n'était pas interdit par le prophète. Reste, vous l'avez entendu, qu'aucun représentant officiel de l'islam de France n'a encore pris officiellement position en faveur de Kaïna Balul et Fakhar Korshan. J'ai donc voulu comprendre s'il était difficile de faire évoluer ces lieux de culte. On écoute la réponse du sociologue et spécialiste de l'islam en France, Homero Marangio. Oui, parce que les lieux de culte sont gérés par des imams qui sont à minima conservateurs, parfois même de tendance fondamentaliste. Est-ce que vous êtes d'accord avec Kaïna Balul lorsqu'elle dit que les frères musulmans et les salafistes ont réussi à imposer leurs normes en France? Oui, c'est une réalité. Alors, quand on parle de frères musulmans et de salafistes, cela signifie qu'il y a eu en fait une jonction, grosso modo, entre les années 70 et les années 90, entre d'une part des fondamentalistes religieux qui sont issus de la prédication de l'Arabie Saoudite, donc du wahhabisme saoudien, et tout un ensemble de prédicateurs et de militants de l'islam politique qui ont pour vision d'établir une espèce de société musulmane. Donc oui, le curseur s'est déplacé progressivement vers un conservatisme religieux qui souvent frôle avec le fondamentalisme. Là, on a la volonté d'hommes et de femmes musulmans de se réapproprier leur religion pour célébrer le culte, puisqu'il s'agit bien de mosquées, mais sans être prisonnier d'un carcan idéologique ou conservateur tel qu'il s'exprime aujourd'hui dans le champ culturel musulman. Mais c'est également, au-delà de se réapproprier, c'est une relecture complète, puisque on ne peut pas trouver dans le soufisme du Moyen-Âge, comme on ne trouvera pas dans les écrits musulmans du Moyen-Âge, toutes les modalités nous permettant d'installer l'égalité homme-femme, de vivre dans une démocratie telle qu'on le vit aujourd'hui, etc. Donc il faut à la fois se réapproprier, mais relire, et c'est ce que fait Kaïna Balul et que fait également Fakhar Korshan et tout le groupe qui promeut ce projet de mosquée, c'est de proposer aux musulmans une autre lecture également des références musulmanes qui soient ancrées dans la modernité. Une modernité où hommes et femmes sont égaux en droit. Parfaitement, c'est une approche des catégories globalement qui sont inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et que des musulmans se réapproprient aujourd'hui à la lumière de leur tradition religieuse en faisant évoluer un certain nombre de textes de l'islam pour les confronter justement à cette articulation entre liberté d'un côté et responsabilité de l'autre. Pour bien comprendre quelle place occupe ce projet, on est d'accord qu'il reste minoritaire aujourd'hui. Oui, tout à fait, il faut être réaliste. Globalement, les religions monothéistes sont conservatrices. Par contre, si on se décentre un peu et on voit la masse des musulmans dont une majorité entretient un rapport sécularisé à la religion, ce type de projet peut permettre d'offrir de nouveaux espaces pour des musulmans qui ne se retrouvent pas dans l'offre religieuse telle qu'elle est proposée aujourd'hui dans les mosquées. Une offre alternative donc qui pourrait s'adresser aux musulmans distanciés, mais qui en Suisse romande ne convainc guère. On se rend à la mosquée de Prilly dans la banlieue lausannoise où je retrouve Mostafa Brahami, l'imam qui dirige ce jour-là la prière du vendredi. Pour nous, ça n'est donc une urgence. Qu'il y ait un féminisme islamique, oui, il y a beaucoup de figures du féminisme islamique, mais qui ne s'expriment pas obligatoirement de cette façon-là. Comme je l'ai dit là dans mon prêche, le culte, c'est-à-dire le rite lui-même, c'est l'obéissance à Dieu, pleine et entière. Et cette obéissance, elle doit être faite comme cela a été dicté par Dieu et son prophète. Donc ça veut dire que ici, dans cette mosquée qui est d'obédience sunnite, on n'aura jamais de femme imam, clairement. Jamais. Pourquoi ? Ben, ça ne se fait pas, il n'y a aucune règle qui le dit. Et nous suivons la règle. Ici, la salle de prière, elle se présente comment ? Venez. Alors, je viens voir. Voilà, on s'est déchaussé. Ça, c'est la salle des hommes. Oui, donc c'est une grande salle. Et la salle des femmes. C'est seulement durant la prière qu'on met ce paravent qui sépare en fait hommes et femmes ? Oui. C'est une pratique qui est généralisée dans les différentes mosquées ? Dans tout le monde musulman. Même si, historiquement, dans la mosquée prophétique à Médine, il n'y avait pas de séparation physique. Tout simplement, les femmes se mettaient par derrière. Mais ensuite, on a mis un obstacle comme ça. Il faut qu'il y ait une communication visuelle, c'est-à-dire il faut que les femmes aussi puissent voir les hommes afin de suivre la prière. Mais finalement, c'est pour des raisons pratiques qu'elles sont séparées des hommes, c'est-à-dire, je ne sais pas, elles se sentiraient peut-être gênées par rapport à différents mouvements dans la prière. Il y a ça, mais les rangs des hommes doivent être des hommes, et dans les rangs des femmes, il doit y avoir que des femmes aussi. Le mélange n'est pas permis du tout. Il n'est permis que dans un seul endroit. C'est à la Mecque, c'est pas durant la prière, mais durant le tawaf, là, tout est mixte. Ici donc, pas de mixité dans la salle de prière et une vision très claire de ce qu'une mosquée comme celle du projet Fatima inspire, la vie des femmes à qui j'ai tendu mon micro à la sortie de la prière. Ah non, mais moi, sincèrement, je n'irai pas déjà dans cette mosquée, ce n'est pas possible. La prière a été toujours dirigée par un homme depuis l'époque du prophète, donc c'est inadmissible. Nous, on a toujours conçu que la prière se dirige par un homme depuis la nuit des temps, depuis le prophète. Donc pourquoi ces changements ? Ça, c'est des innovations qui ne sont pas autorisées par la religion musulmane. Ça a été toujours un homme et on ne change pas là-dessus. Je ne vois pas le sens de faire ce changement. Donc il n'y aura jamais de femme imam dans les mosquées de tradition sunnite ici en Suisse romande. Moi je trouve que c'est pas utile. Peut-être par contre faire plus de place à la femme dans le sens où elle ne prie pas dans des garages, elle prie dans des mosquées, elles ont une salle à elles ont des salles de cours à elles peuvent enseigner l'islam, elles peuvent faire de l'enseignement, ça c'est une grande place de la femme aussi. Pourquoi lui imposer cette grande charge que de diriger la prière dans une mosquée ? Il y a des femmes qui le souhaitent. Alors ça, ce sont certains types de femmes. Moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais moi, je trouve toujours utile qu'on doit être fidèle à Dieu, fidèle à nos pratiques, fidèle à la prière qui a été faite depuis des millénaires de la même façon. Il peut y avoir des femmes qui peuvent être savantes en islam et qui peuvent diriger la prière pour les femmes. Mais quand c'est une prière commune, ce sera toujours les hommes qui seront placés devant. Et voilà. Mais les femmes peuvent aussi faire des études religieuses et avoir ce diplôme-là qui leur permet de prêcher à une assemblée aussi, mais pas de diriger la prière. La prière, c'est comme ça, ça a été dicté comme ça, c'est le décret de Dieu et on ne peut pas changer le décret de Dieu. Pour nous, ce n'est pas les femmes qui donnent la prière. Donc pour moi, ce n'est même pas possible d'imaginer que ce soit une femme qui le fasse. C'est notre héritage culturel et voilà, enfin, c'est, même si on vit en Occident et même si peut-être c'est mal vu par l'Occident, c'est comme ça que ça fonctionne chez nous. Pascal Gemperli est secrétaire général de l'Union Vaudoise des associations musulmanes. Il réagit à la position des fidèles de la mosquée de Prilly. c'est pas très étonnant qu'on a des réactions comme ça. Je rajouterais que c'est pas perçu comme une absence ou un manque d'égalité, parce que l'égalité entre hommes et femmes ne s'exprime peut-être pas forcément à travers la guidance de la prière. Les cercles décisionnels, les conseils des ulémas, donc les conseils des savants, sont tout à fait ouverts aux femmes. En tout cas, ça c'est en théorie. Maintenant, en pratique, il faut constater qu'il y a, beaucoup trop peu de femmes. Et je crois là-dessus, nous avons un manque qui est clair et net. Quant aux mosquées inclusives qui existent déjà en Europe, il reste mitigé. Il y a des mosquées qui sont comme ça, qui sont ouvertes dans plusieurs villes en Europe. Je n'ai pas l'impression qu'il y a forcément une forte demande. Il y a aussi une mosquée, je crois, à Zurich ou à Bâle, où voilà, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui s'y rendent. Donc les gens tiennent à leur tradition, à la manière dont on a toujours fait. Ce qui, pour moi, ne veut pas du tout dire qu'on ne peut pas discuter de la question. C'est peut-être bien que de telles mosquées inclusives ouvrent, comme ça, il y a matière à discuter. Autre regard, celui du sociologue Reda Benkiran, directeur de l'atelier de recherche Iqbal, consacré à une pensée critique de l'islam. Le poids de la tradition, ça a toujours été comme ça. On voit bien que ce n'est pas très clair au niveau des proscriptions coraniques. Une personne a mentionné le décret de Dieu, mais l'imamat des femmes est admis par toutes les écoles juridiques de l'islam, en milieu sunnite. Une majorité des écoles considèrent que l'imamat des femmes pour les hommes est interdit, mais on sait que certains savants ont permis l'imamat des femmes pour des communautés mixtes. Donc comme toujours dans ces questions, il y a le poids de la société, il y a le poids de la tradition, mais il y a le poids aussi de la société qui veut progresser. Et donc il n'y a pas quelque chose qui touche au dogme fondamental du credo islamique qui viendrait interdire que la femme exerce des fonctions d'imamat ou d'autres responsabilités religieuses. Est-ce que dans l'islam, l'égalité des femmes, c'est une utopie ou un objectif atteignable ? C'est un objectif atteignable. Dans le Coran, il y a peut-être 6 versets sur plus de 6000 versets qui tendraient à renforcer le point de vue patriarcal. Tout l'effort d'interprétation est rendu possible par la nouveauté de ces sociétés musulmanes. Les femmes ont majoritairement accès à l'université, sont présentes sur le marché de l'emploi. Donc il est normal que ça se reflète au niveau du discours religieux. Donc il y a vraiment un besoin de mettre à jour la théologie. Et je dirais que le moment est opportun pour les femmes de faire avancer leur cause en proposant des interprétations éclairées, ouvertes du Coran. L'erreur, c'est de laisser croire que le poids de la tradition machiste, c'est cela qui a valeur de vérité théologique. Je pense que c'est ça qu'il faut déconstruire et c'est ça qui est en train de se jouer au XXIe siècle. C'est la raison pour laquelle Reda Benkiran estime que ces mosquées mixtes ou inclusives correspondent à un besoin. Moi, je pense que très rapidement, nous allons avoir une multiplication de ces mosquées mixtes, probablement dans les pays d'Europe du Nord. Donc on peut aussi réformer certaines représentations théologiques et avancer le droit des femmes à exercer une autorité spirituelle. Vous écoutiez le sociologue Reda Benkiran à propos des projets de mosquées inclusives, comme celui que développent actuellement Kaina Bahloul et Fakher Korshan à Paris. Carole Pirker, il y a un peu d'actualité sur cette question du genre et de l'islam. Tout à fait, parce qu'en parlant égalité et droits des femmes dans l'islam, un colloque international sur le statut de la femme en islam aura lieu les 28 et 29 mars à Lyon, organisé entre autres par Reda Benkiran. Comme quoi la réflexion critique sur l'égalité entre hommes et femmes, la question du genre en islam, tout comme le rôle religieux de la femme, semble avancer. Merci beaucoup Carole pour ce dossier sur ce projet de mosquée inclusif à Paris. Dossier qu'on peut entendre sur notre site internet rtsreligion.ch. Et puis je vous laisse en rappelant le numéro de téléphone de l'émission 058 236 60 70.